Ouf, j'en ai ras-le-bol de me lever tous les jours à 6h du mat. En plus, il fait un ton de chien aujourd'hui. Et tout ça pour un salaire de misère et cet idiot de chef qui est toujours sur mon dos. Si seulement Fabienne était moins exigeante, elle est toujours en train de se plaindre. Quand je travaille toute la journée, elle se met en colère et elle me reproche de la négliger. Elle me dit que je ne passe assez de temps avec elle et les enfants et qu'on n'est jamais ensemble. Et quand je prends du temps pour nous et que je me libère un week-end pour les emmener à la mer, elle veut visiter sa mère, qui me déteste et qui n'arrête pas de m'humilier. Ah, et puis l'autre jour, je lui offre un magnifique collier qui m'a coûté un œil. Et comme toujours, elle n'était pas satisfaite parce qu'elle voulait deux nouvelles paires de chaussures qui vont avec la dernière robe qu'elle s'est achetée. Oh, si seulement j'avais 18 ans, quelle vie de chien!